seulement tu pouvais arrêter d'écouter ce que l'on dit de moi. Sache que le jeu ne fait que commencer. Moi je suis prêt et toi t'en dis quoi? Ne te laisse plus atteindre par tous ces jaloux qui finiront par nous rendre fous, fous, fous. Je pense que pour eux j'ai de l'importance. Si je n'en avais pas, je crois qu'ils ne parleraient pas de moi. C'est avancer. Je sais que je peux le faire avec toi. Ça fait partie du jeu, faut assumer. Laissons-les, j'aime qu'on parle de moi. Ne te laisse plus atteindre par tous ces jaloux. Ils finiront par nous rendre fous, fous, fous. Je pense que pour eux, j'ai de l'importance. Si je n'en avais pas, je crois qu'ils ne parleraient pas de moi. Je sais que je peux le faire avec toi. Ça fait partie du jeu, faut assumer. Laissons-les, j'aime qu'on parle de moi. Ah.